faites les morts, la lune émerge dans le froid des océans de la nuit. Croquez la vie à pleines dents, car au pépin, et Dieu créa le Verbe, mais avant l'homme créa Dieu. Des avions dans des tours au nom de Dieu, bombardements meurtriers au nom de la liberté, capitaliste, guerre glorieuse en ces lieux de mort. Interdiction de mourir, il manque de patience. Souhaiter, souiller, souillon, souillure, souk, soule, soulagement. Orgueilleux clame qui n'est pas mégalomane. Vous avez vu ce que vous dites.